J'avoue, j'ai fait le con enfermé entre quatre murs. 3 heures du mat, je repense à toi. Et si un jour ça tire, est-ce que tu seras mon armure? Est-ce que t'agiras comme une salta? Y'a toi, y'a moi, y'a nous, on ne fait plus qu'un. Le plus important, c'est l'atterrissage. C'est pas la chute, hein. Et si je saute, tu seras mon parachute. On ira au Niagara voir les chutes d'eau, les nuages à travers les hublots. Pourquoi je t'ai pas rencontré plus tôt? Ça ce qu'il faut là où il faut. Après toi y'a pas mieux. Dis-moi que tu m'aimes. Et regarde-moi dans les yeux. Dis-moi que tu m'aimes. Ouais ouais, dis-moi que tu m'aimes. Je suis un voyou de la tête qui a besoin d'amour. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Ouais ouais, dis-moi que tu m'aimes. À 250, une femme et des enfants au bout du tunnel. Dis-moi que tu m'aimes. Ouais ouais, dis-moi que tu m'aimes. Je suis un voyou de la tête qui a besoin d'amour. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Ouais ouais, dis-moi que tu m'aimes. À 250, une femme et des enfants au bout du tunnel. Relation discrète, relation parfaite. Vivons cachés, on aura moins de problèmes. Te prends pas la tête, j'ai mené l'enquête. Elle est so clean, so fresh, so halal. Et j'ai plus frôlé la mort que l'amour. Et de moi, je sais que des fois t'en as marre. Mais on se comprend, on a le même humour. On se comprend, on a le même humour. Tu plais à ma mère, la tienne m'apprécie. Je te regarde, je souris comme un imbécile. Pour te taquiner, je te dis que t'es moche. Mais la vérité, c'est que t'es un missile. Ce qu'il faut là où il faut. Après toi, y'a pas mieux. Dis-moi que tu m'aimes. Et regarde-moi dans les yeux. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes. Ouais ouais, dis-moi que tu m'aimes. Ouais ouais, dis-moi que tu m'aimes. Je suis un voyou de la tête qui a besoin d'amour. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes. Ouais ouais, dis-moi que tu m'aimes. Ouais ouais, dis-moi que tu m'aimes. À 250, une femme et des enfants au bout du tunnel. Au bout du tunnel. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes. Ouais ouais, dis-moi que tu m'aimes. Ouais ouais, dis-moi que tu m'aimes. Je suis un voyou de la tête qui a besoin d'amour. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes. Ouais ouais, dis-moi que tu m'aimes. Ouais ouais, dis-moi que tu m'aimes. À 250, une femme et des enfants au bout du tunnel. Au bout du tunnel.